va rouler un pet, il est seul comme Simba. Heartbeat. Il s'est loin de la la la. Chapeau de paille au quartier Valadero. Tu m'appelles, j'ai même plus ton numéro. Mon frère s'est pris une balle, on a répliqué mes dos. Dis-moi de qui j'ai peur, j'ai vu la mort, mon poteau. J'ai regardé ses yeux, un corps au sol, je gamberge. T'arrêtes des aides, c'est mon pays, mon auberge. Mon pote a trop fumé, il se cale avec mon gamberge. A 20 piges à la rue, des gueules vertes. T'es dans les rêves, je suis en réalité. Besoin de changer d'air, nouvelle mentalité. J'aurais pu prendre la cagoule pour guitariser. J'ai vu ma mère pleurer, j'ai réalisé. J'ai le sourire quand je pense qu'il y a un bon Dieu. C'est des hassas, ils se feront la guerre entre eux. Allez, tiens, prends le terrain, pour toi on coupe en deux. Mais c'est pas comme ça au quartier, ça se coupe en deux. Bah la la la la la la. Je m'en vais loin de la la la. Il va rouler un pet, il est seul comme Simba. Il s'est loin de la la la. Je vais chercher un calage, protéger de quoi chercher. Je te raconte ma vie devant l'étoile du berger. C'est ce qu'on a fait de moi, ce qu'on n'a pas fait. Bah la la la, ça y est, j'ai qu'un berger. Je vais chercher un calage, protéger de quoi chercher. Je te raconte ma vie devant l'étoile du berger. C'est ce qu'on a fait de moi, ce qu'on n'a pas fait. Bah la la la, ça y est, j'ai qu'un berger. Bah la la la la la la. Je m'en vais loin de la la la. Il va rouler un pet, il est seul comme Simba. Il s'taille loin de la la la. Je vais chercher un calage, protéger de quoi chercher. Je te raconte ma vie devant l'étoile du berger. C'est ce qu'on a fait de moi, ce qu'on n'a pas fait. Gambino c'est magique. Parce que je viens de la galère, ce que j'ai vu c'est tragique. Peut-être qu'un jour pour tout je vais tout péter. Je fais des sons qui bougent mais j'ai rien à péter. Ça fait des coups d'art sur un peu de ralice pour l'été. Ça sent de la promenade avec la serviette mouillée. J'ai gambergé dans la cuisine sur une chaise. J'ai pleuré mes proches comme un homme sur une falaise. J'aimerais des fois me lever tout oublier. Mais c'est mon sang, la famille c'est trop lié. Si tu le fais pas pour toi, des gueules va t'assumer. J'avais pas le choix, le travail au charbonné. J'ai préféré la zig, mon vaillant pour tout vider. Ce soir je gamberge dans le bar, je suis trop guillé. Il pleure sa cellule parce que sa femme l'a quitté. Il a payé sa peine mais ils veulent pas la quitter. Je baisserai le monde parce qu'ils sont sans pitié. Il regarde la lune, il fume, il est trop cheaté. Bah la la la la la la. Je m'en vais loin de la la la. Il va rouler un pet, il est seul comme Simba. Loin de la la la. Je vais chercher un calage, protéger de quoi chercher. Je te raconte ma vie devant l'étoile du berger. C'est ce qu'on a fait de moi, ce qu'on n'a pas fait. Bah la la la, ça y est, j'ai qu'un berger. Je vais chercher un calage, protéger de quoi chercher. Je te raconte ma vie devant l'étoile du berger. C'est ce qu'on a fait de moi, ce qu'on n'a pas fait. Bah la la la, ça y est, j'ai qu'un berger. Bah la la la la la la. Je m'en vais loin de la la la. Il va rouler un pet, il est seul comme Simba. Je te raconte ma vie devant l'étoile du berger. C'est ce qu'on a fait de moi, ce qu'on a.